بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل دراستنا وقراءتنا في كتاب التوحيد، سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد وأن ينفعنا بهذا العلم. وبعد، donc on va continuer inshallah sur l'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le hadith d'Abdallah ibn Abbas, ce hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans son livre, et en l'occurrence dans le livre de l'unicité, dans ce chapitre-ci qu'on est en train d'étudier. Et donc on était toujours sur l'étude de ce hadith d'Abdallah ibn Abbas, comme on a dit, où il nous a rapporté que le prophète sallam, lorsqu'il se levait la nuit pour invoquer ou pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, alors il l'invoquait par ce dua. Et donc on a appris à quel moment, dans la dernière allocution, on a appris à quel moment on pouvait lire et dire, hein, invoquer Allah par ce dua, par cette invocation. Et on avait fait un rappel sur l'importance de cette invocation. Et on a commencé justement à expliquer le sens de certains enseignements qu'il y a dans cette invocation, c'est-à-dire le sens de certains termes et l'explication, si vous voulez, de cette invocation. Et on a dit, hein, que certains savants ont dit tellement cette invocation renferme des enseignements importants, hein, et inestimables, on peut se rendre compte que donc dans cette invocation, il y a tiqad, les convictions du musulman. Cette invocation renferme aussi bien les convictions du musulman que l'unicité que doit connaître le musulman, ou l'iman, la foi, ou qawaid al-sharia, on a dit, les règles de al-sharia, les bases essentielles que doit connaître le musulman. Eh bien, cette invocation renferme aussi bien toutes ces choses qu'on vient de citer et de mentionner. C'est pour cela, celui dont Allah Jalla wa Ala accorde la réussite, que lorsqu'il se réveille la nuit et il arrive à invoquer Allah de cette manière, par cette invocation-là, alors Allah Jalla wa Ala lui a donné et l'a comblé d'un bien qui est immense, d'un bien inestimable. Et de ce fait, on a dit, la personne, chaque nuit, il peut renouveler et revivifier plutôt sa religion, ou son iman, hein, sa foi plutôt, chaque nuit en disant cette invocation et en implorant Allah par cette invocation. Donc chaque nuit, le croyant, lorsqu'il se lève la nuit, s'il invoque Allah Jalla wa Ala par cette invocation, ça peut être une cause pour renouveler et revivifier son iman, sa foi. Et cela donc, il peut le faire chaque nuit. Et de ce fait, on avait commencé sur l'explication de ce dua. Alors au début de cette invocation, le prophète sallam disait « Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard »« Ô Seigneur, à toi appartient la louange, tu es certes le Seigneur des cieux et de la terre. » Donc pour cela, on avait parlé de qu'est-ce que la louange. Donc la louange, c'est la traduction du terme « alhamd ». Alhamd. C'est pour ça, lorsqu'on dit « alhamdulillah », il y a les louanges n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que le prophète sallam, dans cette invocation, a commencé par les louanges. Et la fois dernière, on avait donné l'une des définitions données par les savants, en l'occurrence, le commentateur ici, l'auteur du commentaire, nous donne l'une des définitions, une très belle définition, en disant que « Alhamd huwa wasful mahmoud bil kamal ma'al hubbi wa tardim ma'al hubbi wa tardim » en disant que la louange, c'est la description du loué par la perfection, hein, description parfaite, avec amour et vénération. Et on a appris la fois dernière que lorsque ces louanges sont répétées, alors ça devient ce qu'on appelle en arabe « thana ». Certains savants considèrent qu'ensuite, ça peut devenir du « thana ». ce qu'on appelle et nomme l'éloge. Ça devient de l'éloge. Et en l'occurrence, l'auteur du commentaire, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Athaymin, il s'était basé sur le hadith divin qui nous enseigne que lorsque le serviteur, dans sa prière, lorsqu'il récite al-Fatiha, lorsqu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, donc Allah Jalla wa Ala dit Hamadani, Hamidani, Abdi, Hamidani, Abdi, mon serviteur m'a fait l'éloge. Et lorsqu'ensuite on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le Seigneur dit Athna alayya Abdi, mon serviteur m'a fait les éloges. Ensuite, on a appris le sens de Rabbus Samawati wal Ard, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur des cieux et de la terre. Donc on apprend dans cette invocation qu'Allah Jalla wa Ala, comme vous le savez donc, du fait qu'il est le créateur des cieux et de la terre, donc il en est le maître et le seigneur. Donc Allah Jalla wa Ala est le seigneur des cieux et de la terre. Et le sens de seigneur, donc, cette seigneurie-là, on a dit tourne autour de trois choses. Autour de la création, la royauté et l'administration. C'est pour ça le fait qu'Allah Jalla wa Ala soit le seigneur des cieux et de la terre implique donc Allah Jalla wa Ala est celui qui a donné existence, donc le créateur aux cieux et de la terre. Il est le roi, le souverain absolu, et il est celui qui régit. Il est le grand régisseur de ce qui se produit, il est le régisseur de ce qui se passe dans cet univers. Donc Allah Jalla wa Ala est celui qui gère tout cet univers, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on peut résumer la seigneurie d'Allah Jalla wa Ala par ces trois termes qu'on a mentionnés, al-khalq ou al-mulk, ou al-tadbir, ou al-tadbir. Sinon, on avait mentionné différentes particularités de la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'allocution précédente. On a dit que, aussi, dans cette invocation, le prophète ensemble a cité les cieux au pluriel, as-samawat, as-samawat. Donc les cieux sont cités au pluriel, comme vous pouvez le constater. Et cela fait référence, on a dit, fait allusion à son nombre, hein, ça fait référence à son nombre. Wa afrad al-ard bi'atibar al-jins. Et le prophète ensemble a cité la terre d'une manière singulière, hein, en faisant référence à sa nature, la nature ou l'espèce de, à son espèce, à sa nature. Ensuite, on a dit que comme il y a cette terre, comme il y a sept cieux, et donc le nombre de cieux, lorsqu'on dit les sept cieux, ça c'est mentionné, évoqué dans le Coran d'une manière claire et explicite. Donc d'une manière explicite, dans le Coran, il est évoqué que les cieux sont au nombre de sept. C'est pour cela que la fois dernière, dans la dernière allocution, on a fini sur la question concernant le nombre des cieux et le nombre des terres. Et on avait dit, l'auteur nous explique qu'en ce qui concerne le nombre des cieux, on a dit que ça c'est évoqué d'une manière explicite dans le Coran. En l'occurrence dans le verset 86 dans Sourate les croyants, Al-Mu'minun, lorsqu'Allah dit قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, dit qui est le Seigneur des cieux, des sept cieux plutôt, وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, et le Seigneur du trône immense. Donc dans ce verset, dans le traduction relative, il est dit مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône immense, traduction relative. Donc on voit que qui est le Seigneur des sept cieux, donc le nombre des cieux est mentionné de manière explicite. أَمَّا الْأَرْضِ, par contre en ce qui concerne la terre, on a dit le nombre de terres n'est pas mentionné d'une manière explicite dans le Coran. Il n'y a pas de verset dans le Coran où le nombre des terres, en ce qui concerne la terre, hein, où son nombre est mentionné d'une manière explicite. Par contre, on a dans la sourate du talaq, de la répudiation, ou bien la sourate du divorce, un verset où il y a l'évocation de cela, mais d'une manière implicite et non explicite. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala dans le verset dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Regardez dans ce verset en traduction relative, le verset 12, il est dit Allah est celui qui a créé les sept cieux et autant de terres. Et donc on avait dit c'est sur ce verset que se basent les savants, les grands théologiens musulmans pour dire qu'il y a un nombre équivalent de terres que de cieux. C'est pour cela qu'on le traduit de cette manière. وَمِثْلَهُنَّ Lorsqu'Allah dit qu'il est celui qui a créé les sept cieux et autant de terres. Autant de terres. Donc c'est pour cela que le nombre de terres est équivalent au nombre des cieux. Au nombre des cieux. Et donc les savants, lorsqu'ils disent et lorsqu'ils stipulent qu'il y a sept terres, parmi les preuves qu'il y a dans le Coran, ils se basent sur ce verset. C'est ce verset. Parmi les preuves du Coran, c'est le verset 12 dans la sourate la répudiation. Ou al-mumathala, comme on a dit, pourquoi? Parce que le terme al-mumathala, huna la yumkin an tata'atta illa fil adad. C'est pour cela que l'équivalence qui est mentionnée dans le verset, on a dit cette équivalence est liée au nombre, et non au nombre, et n'est pas liée à la description. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de comparaison entre la terre et les cieux, c'est-à-dire la description de la terre n'est pas semblable, équivalente à la description des cieux. Aussi bien au niveau de Al-Kayfiyya, de la manière, aussi bien au niveau de Al-Hajm, au niveau de la dimension, au niveau de la grandeur, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de comparaison entre les cieux et la terre. Donc, du fait qu'on ne peut pas comparer les cieux et la terre au niveau de la dimension, au niveau de la grandeur, au niveau de la manière ou autre, donc on voit que Al-Mumathala, qui est sous-entendu dans le Coran, lorsqu'il est dit Mithlahunna, dans le verset 12, dans ce verset, ce qui est sous-entendu, on a dit donc, c'est le nombre. C'est pour ça que les savants musulmans considèrent que les terres sont au nombre de 7, comme pour les cieux. Comme pour les cieux. Ensuite, on avait dit qu'aussi, il y a un hadith ou des hadiths qui mentionnent et qui stipulent cela dans la sunna du prophète, donc des récits prophétiques authentiques, où il est mentionné d'une manière claire et explicite les sept terres. Les sept terres, donc le nombre de terres. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne le nombre des cieux et le nombre des terres, et en ce qui concerne les preuves à cela. Par contre, ça, c'est la question concernant le nombre. C'est la question concernant le nombre de terres. Donc les savants sont d'accord sur le fait que le nombre de terres, c'est un nombre équivalent au nombre des cieux. Donc sur cette question, les savants sont d'accord sur cela. Par contre, maintenant, ce qu'il faut savoir, le comment de ces sept terres, le comment de ces sept terres, ça, c'est une autre question. Nous, on a parlé là du nombre. Donc lorsqu'on parle du nombre des terres, les terres sont au nombre, la terre est au nombre, sont au nombre de sept, comme les sept cieux. Donc ça, c'est en ce qui concerne le nombre. Maintenant, en ce qui concerne le comment, c'est-à-dire comment sont ces sept terres, ça, on peut retrouver que les savants du tafsir, dans le tafsir justement, dans l'exégèse de ce verset, les savants ont mentionné un avis sur ça. Les savants ont mentionné un avis. Et si vous voulez, beaucoup de savants, la majorité des savants, une grande majorité des savants considèrent que lorsqu'on dit sept terres, ils disent sept terres dans le sens de ce qu'ils font comprendre, tibaqan, bardoha fawqa bard. Tibaqan, bardoha fawqa bard. Ça serait dans le sens que ce sont, pourrait décrire cela comme des couches. Ça serait des couches. Donc la description de ces sept terres, ça serait sept couches superposées, de sorte que chaque terre est séparée de l'autre par un espace. Certains disent, comme celui qui sépare le ciel et la terre. Ça, on peut le retrouver dans certaines explications, comme par exemple, vous retrouvez cela dans le tafsir, par exemple, de l'imam Shawkani. Le tafsir de l'imam Shawkani. Donc, il stipule bien, il dit bien qu'il y a autant de terres, il dit qu'il y a autant de terres que de cieux, en disant, et autant de terres, c'est-à-dire qu'Allah Jalla Wala a créé autant de terres, donc c'est-à-dire sept. Par contre, en ce qui concerne la description de ces sept terres maintenant, les savants ont divergé sur cela. Les savants ont divergé sur cette question. Après qu'ils ont approuvé qu'il y ait sept terres, ensuite sur la description de ces sept terres, ils ont divergé. Et la majorité des savants, ont adopté l'avis disant que ça serait des couches, sept couches superposées, de sorte que chaque terre est séparée de l'autre par un espace. Donc ça, c'est l'avis de la majorité, si vous voulez. L'avis de la majorité des savants. Donc ils considèrent que ces sept terres, c'est, comme ils disent en arabe dans Kutub al-Tafasir, tibaqan bardoha fawqa bard. Donc ça serait, comme on a dit, des couches superposées. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est pour cela que Al-Hafidh ibn Kathir aussi, donc ça vous le retrouvez dans le tafsir de Ash-Shawkani, et lui, en ce qui concerne l'érudit ibn Kathir, dans son tafsir, il dit, dans l'explication et l'exégèse de ce verset, il dit, le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, nous informe de sa parfaite puissance et de son autorité incommensurable, afin que cela nous incite à respecter la droite loi religieuse qu'il a établie, Allah, qui a créé sept cieux et autant de terres. Il va le dire, c'est-à-dire sept terres. Sept terres. Donc vous avez vu, Ibn Kathir, dans son tafsir, confirme cela, la création des sept terres. Et de sa part, l'imam Sa'di, dans son tafsir, il dit, Allah le Très-Haut, c'est-à-dire le tafsir du verset, nous informe qu'il a créé les sept cieux comme ceux qui les occupent, et les sept terres comme ceux qui les occupent, et l'espace qui les sépare, et a fait descendre le commandement. Ensuite, Allah a fait descendre le commandement. Donc, vous avez vu aussi Cheikh Sa'di, dans son exégèse, dans son interprétation du verset, regardez, il dit, Allah le Très-Haut nous informe qu'il a créé les sept cieux comme ceux qui les occupe. Donc Allah Jalla Wala a créé les sept cieux. Vous savez, en ce qui concerne les cieux, donc chaque ciel a ses habitants, c'est-à-dire les anges. Donc pour chaque ciel, il y a ses habitants, c'est-à-dire le premier ciel a ses habitants, c'est-à-dire les anges, ensuite le deuxième ciel, ensuite le troisième ciel. Donc chaque ciel a des habitants. Ensuite, il y a l'espace qui sépare les cieux. Donc on a les cieux, un ciel par exemple, avec ses habitants. Ensuite, il y a l'espace qui sépare chaque cieux. Et comme on a dit, une espace qui est équivalente à 500 ans de marche. 500 ans. L'espace de 500 ans, comme on l'a précisé précédemment. Et donc, en ce qui concerne la terre, ensuite, Cheikh Sa'di, il dit de même, les sept terres, comme ceux qui les occupent, c'est-à-dire les habitants de cette terre, qui habitent sur terre, et l'espace qui les sépare, et a fait descendre le commandement. Donc Allah a créé les sept terres, a créé plutôt aussi les habitants de cette terre, et aussi, il a créé l'espace qui les sépare. Et Allah, Jalla Wala, ensuite a fait descendre le commandement, comme il dit, c'est-à-dire les lois et les dispositions religieuses révélées à ses messagers en guise de rappel et de serment à ses fidèles serviteurs. Et il en est de même des ordres universels et des décrets par lesquels il administre la créature. Et il a fait tout cela afin que les fidèles serviteurs le connaissent et sachent que sa puissance cerne toutes les choses et que sa science embrasse toutes les choses. Regardez, ça c'est le tafsir, c'est l'interprétation de Shir, du grand savant, l'érudit, l'émérite, As-Sa'di dans son commentaire. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit donc, Allah Jalla Wala a fait tout cela afin que les fidèles, regardez, afin que les fidèles serviteurs le connaissent. Donc, vous avez vu, le but c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de connaître ce créateur subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils sachent, ses serviteurs, que sa puissance cerne toutes les choses et que sa science embrasse toutes les choses. Donc pour cela, Jalla Wa'ala, lorsqu'on, Allah Jalla a créé les cieux et la terre, lorsqu'on se rend compte de l'immensité de cette terre, vous avez vu, on va donc reconnaître la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce que va nous dire Cheikh Sa'di. Il continue et il va nous dire, et quand ils l'auront connu sous ses attributs saints et ses plus beaux noms, donc regardez, Cheikh Sa'di, c'est très pertinent ce qu'il dit, hein. Il dit, lorsque ses serviteurs ensuite l'auront connu, avec quoi? Il dit, sous ses attributs saints et ses plus beaux noms. C'est-à-dire, à l'aide de l'étude de ses attributs et de ses plus beaux noms. Donc, c'est par cela qu'on peut le connaître, Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils l'auront adoré et respecté son droit, voilà la finalité visée à travers la création et le commandement. Voilà pourquoi Allah Jalla wa ta'ala a créé, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son commandement, c'est-à-dire ses lois. Et regardez ce qu'il nous dit, donc la connaissance d'Allah et son adoration. Pour la connaissance d'Allah et son adoration. Voilà pourquoi Allah Jalla Wala a créé les cieux et la terre, pourquoi Allah Jalla Wala a fait descendre ses commandements, c'est-à-dire ses lois. C'est pour sa connaissance, pour le connaître et pour l'adorer. C'est pour le connaître et l'adorer. Et il conclut son tafsir, son exégèse, ici son explication, en disant, et les fidèles pieux serviteurs d'Allah, qui jouissent de son assistance, s'y conforment alors que les injustes avérés s'en détournent. Voilà, fin de citation du tafsir de l'imam de Cheikh As-Sa'di. Rahimahullahu ta'ala. Voilà en ce qui concerne différentes interprétations données par des grands émérites savants de la nation, par des grands savants musulmans. Maintenant, à savoir que l'avis, nous on a évoqué l'avis de la majorité, donc l'avis de la majorité, que ces sept terres, elles sont décrites, on a dit, hein, l'avis de la majorité, considère que ça serait des couches superposées, donc décrites comme Teba, Kanbar, Doaf, Aukabard, comme on l'a dit précédemment. Ça, c'est la description, on a dit, de la majorité des savants. Donc, beaucoup de savants évoquent ce qu'on vient de mentionner. Vous retrouvez ça dans les livres d'exégèse et d'interprétation du Coran, et dont les savants évoquent et décrivent cela et l'expliquent bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qui dépassent notre connaissance, qui nous échappent. Donc l'être humain, les serviteurs d'Allah, Jalla wa Ala, n'ont pas la connaissance de tout. C'est pour ça qu'il n'est pas indispensable que les serviteurs, que les croyants aient la connaissance, que les hommes aient la connaissance de tout. On ne peut pas avoir la connaissance de tout. Celui qui cerne tout de sa science, celui que rien ne lui échappe, celui qui a la connaissance de tous les mystères et de l'inconnu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. Nous, notre connaissance, elle est limitée. Donc Allah, Jalla wa Ala, nous a fait part de certaines de ses créations, mais on n'a pas la connaissance de tout, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la terre et les cieux, hein, les terres, les sept terres et les sept cieux, par exemple, al-samawat ou al-ard, ça fait partie de la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, al-ard, ça fait partie de la création, la terre fait partie de la création, les cieux font partie de la création, les êtres vivants font partie de la création. Par contre, donc, Allah, Jalla wa Ala, nous a donné de la connaissance au sujet de certaines de ces créations. Par contre, on n'a pas la connaissance de tout. Et il n'est pas nécessaire, qu'on ait la connaissance de tout. Allah, Jalla wa Ala, c'est lui qui détient la connaissance de tout, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose d'important, à savoir qu'on ne peut pas avoir la connaissance de tout. Wa hadha laysa bilazim. Voilà, le fait de connaître tous les mystères, le fait de connaître toute la création d'Allah, de connaître tous les détails, les savants disent وَهَذَا لَيْسَ بِلَازِمْ أَنْ نَعْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ لَيْسَ بِلَازِمْ أَنْ نَعْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ. Et ce n'est pas nécessaire qu'on ait la connaissance de tout, mais Allah Jalla wa Ala nous a fait connaître des choses de sa création. Et comme on l'a pris dans le tafsir de Sa'di, comme c'est dit par d'autres grands savants de l'islam, le but, après l'observation de ce monde, le fait qu'Allah Jalla wa Ala, on sache qu'il est le créateur de cette immense création, alors cela doit nous mener à le connaître, vers sa connaissance et son adoration. Donc ça, c'est les deux choses importantes, la connaissance d'Allah, le connaître et l'adorer. Et de ce fait, le croyant, comme on l'a dit dans les allocutions précédentes, il pourra estimer Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Donc vous avez vu, ces enseignements-là nous permettent premièrement de connaître Allah et ensuite, dans un second plan, de l'adorer. Donc c'est ça ce qui est important, toujours garder cela à l'esprit. La première chose, la connaissance d'Allah, ensuite l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'on a été créé. On a été créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'adoration d'un Seigneur, d'un Créateur qu'il faut qu'on connaisse. Et Allah Jalla wa Ala nous a informé à son sujet. Donc ça c'est très important. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont pour nous, pour les êtres humains, des mystères. Malgré qu'il y a une grande avancée au niveau de la science moderne, hein, il y a eu des progrès et des avancées au niveau des découvertes scientifiques, mais ça ne veut pas dire que l'être humain a la connaissance de tout. Vous savez, toutes ces avancées, tous ces progrès scientifiques, hein, ces moyens modernes, toutes les découvertes qui ont été faites, hein, par le biais de ces moyens et pour cause de ces moyens modernes et de cette nouvelle science, de la science moderne, ce n'est rien par rapport à tout ce qui nous échappe et par rapport à tout ce qui échappe à l'être humain. Donc malgré les avancées scientifiques, malgré les nombreuses découvertes, hein, les nouvelles découvertes contemporaines, mais cela n'est rien par rapport à tout ce que l'homme ignore et par rapport à tout ce que l'homme, toutes ces choses dont il n'en a point la connaissance. Ce n'est rien. Donc l'être humain découvre, il fait des découvertes. Et plus les temps avancent avec les nouveaux moyens et avec les progrès de la science, donc l'être humain va faire des découvertes. Mais cela n'est rien, ce qu'il faut savoir. Les êtres humains n'ont pas la connaissance de tout. Et avec toutes ces découvertes, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de tout découvrir. Bien au contraire. Ils n'ont pas la connaissance qu'ils ont, c'est que très peu. Et Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui a permis ces découvertes, c'est lui qui a permis, subhanallah, aux hommes de pouvoir avancer d'une manière scientifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec ces progrès scientifiques, il ne faut pas penser qu'ils cernent tout et donc ils arrivent à la connaissance de tout. Beaucoup de choses leur échappent et beaucoup de choses échappent à l'homme. C'est pour cela qu'un jour, il est rapporté qu'un homme yéhoudi, un homme juif, s'était rendu chez Omar et avait posé la question à Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Il lui a dit, si le paradis, c'est équivalent à l'étendue de la terre et des cieux. Donc si le paradis, lui a demandé, c'est l'équivalent de l'étendue des cieux et de la terre. Alors il lui dit, où est-ce qu'on trouvera l'enfer? Où se trouvera l'enfer? Il lui posa la question. Donc il lui dit, si le paradis c'est équivalent à l'étendue des cieux et de la terre, alors où est-ce que va se trouver l'enfer? Et là, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, regardez ce qui est rapporté, qu'est-ce qu'il lui a répondu. Alors il lui a dit, فَأَيْنَ اللَّيْلِ إِذَا جَاءَ النَّهَرِ. Où se trouve la nuit lorsque vient la journée? Lorsqu'apparaît le jour. Donc lorsque apparaît le jour, disparaît la nuit. Donc il lui dit à ce moment-là, où est la nuit? Il lui posa la question. Regardez cette très belle réponse. Cet homme, Al-Yahoudi, lorsqu'il interroge Omar ibn Khattab au sujet de l'enfer, mais où est-ce qu'on pourrait trouver l'enfer? Où se trouve l'enfer? Donc il interroge au sujet de l'endroit de l'enfer. Où se trouve l'enfer si le paradis prend l'étendue, serait équivalent à l'étendue des cieux et de la terre? Il veut lui dire s'il prend toute la place. Mais en réalité, la création est plus vaste que cela. La création se restreint pas aux cieux et à la terre. La création d'Allah est immense. Khalqullah azim. Et est tellement immense qu'on peut concevoir réellement l'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple, si vous voulez juste, dans un hadith authentique, authentifié l'imam Sheikh al-Albani, si on veut juste comparer les cieux et la terre par rapport, les cieux par rapport à ce qu'on appelle al-kursi, qu'on traduit d'une manière littérale, kursi c'est le siège, la chaise, al-kursi. D'une manière littérale. Mais ici, le kursi, c'est quoi? C'est une partie du trône, c'est-à-dire le kursi, les savants, dans la vie le plus juste, hein, comme c'est rapporté par Abdallah ibn Abbas, c'est l'endroit du repose-pied, donc c'est le repose-pied plutôt. Donc le kursi serait le repose-pied. Donc il faut faire la distinction entre le trône et le kursi. Il faut faire bien la distinction entre le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce qu'on appelle le kursi. Comme il est dit, le verset du Al-Kursi. Donc Al-Kursi, selon un compagnon Abdallah ibn Abbas, il l'a interprété, il l'a expliqué en disant qu'Al-Kursi était le repose-pied. Et ben, juste, dans un hadith authentique, il nous est dit, juste les cieux, imaginez-vous les cieux par rapport juste au repose-pied, au Kursi, c'est comme si vous jetiez un anneau en fer dans un désert. Imaginez-vous, cet anneau en fer, vous jetez un anneau dans une étendue, dans un désert. Quelle serait l'étendue de cet anneau? Quel serait cet anneau par rapport à l'étendue plutôt de ce désert? Cet anneau serait considéré comme quelque chose d'infime. Quelque chose d'infime. Sans grandeur par rapport à cet immense désert, par rapport à l'étendue de ce désert. Et bien regardez ça, ce sont les cieux, malgré l'immensité de la création des cieux, malgré l'immensité des cieux, mais les cieux, s'ils seraient comparés au kursi, à ce qu'on appelle le kursi, alors ça serait comme si un anneau de fer serait jeté dans un désert vaste. Alors, je vous laisse imaginer l'étendue d'un désert. Et si ensuite, on compare le kursi, le repose-pied, par rapport au trône, alors, le kursi serait l'équivalent de cet anneau par rapport au désert. Vous avez vu, la création d'Allah, elle est immense. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est pour cela que les êtres humains, malgré, comme on l'a dit précédemment, ça rappelle à se faire, malgré toutes les avancées scientifiques, malgré tous les progrès modernes, mais on n'a pas la connaissance de tout. Et beaucoup de choses nous échappent. Mais ce qu'on sait, par contre, ce qu'on sait, c'est que beaucoup de choses dont nous a informé le prophète, sallam, il y a près de 15 siècles de cela, alors qu'à son époque, beaucoup de bédouins n'avaient pas la connaissance, il n'y avait pas ces progrès modernes, il n'y avait pas les progrès, l'évolution de la science. On voit qu'avec l'évolution de la science, eh ben, toutes ces découvertes modernes ne font que confirmer les enseignements du prophète, en somme, est-ce que nous enseignait le prophète sallam dans des hadiths authentiques. Et aussi, ces avancées scientifiques, hein, ne font que confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Et beaucoup de versets, par exemple, ont été des mystères dans les siècles précédents. Et avec l'avancée scientifique, on voit qu'ils ont découvert certaines choses qui sont confirmées dans le Coran. Qui sont confirmées dans le Coran, qui ont été dites il y a près de 15 siècles, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas cette avancée et ces progrès scientifiques. Donc, les avancées scientifiques ne font que confirmer ce qu'il y a dans le Coran et ce que nous a enseigné le prophète dans sa sunna authentique. Mais, sachez qu'il y a encore d'autres mystères qui n'ont pas été découverts, que la science moderne n'a pas découvert. Donc, beaucoup de choses nous échappent. Donc ça, c'est un rappel à se faire, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve dans le Coran, dans un verset, lorsqu'Allah nous dit « Allama al-insana ma lam ya'lam ». Allah enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc on retrouve dans ce verset qu'Allah, Jalla wa Ala, c'est lui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et dans un autre verset, Allah, Jalla wa Ala, nous dit « Wa ma utitum min al-ilm illa qalila ». Et ce qui vous a été donné comme science, comme savoir, n'est que très peu, en réalité, n'est que très peu. C'est pour cela que la science de l'homme est vraiment limitée. Malgré toutes les avancées, malgré tous les progrès, la science de l'homme reste limitée. Et beaucoup de choses nous échappent, et beaucoup de choses, il existe beaucoup de choses dont on n'en a point là, la connaissance parmi la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc pour continuer, inshallah, sur l'explication de cette immense invocation, ensuite le prophète, sallam, après qu'il ait dit, « Lakal hamdu » لك الحمد أنت رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض. Donc ça on l'a expliqué. Ensuite le prophète disait لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. Donc ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم disait à toi les louanges et tu es certes قيم السماوات والأرض. Donc pour bien comprendre on va expliquer قيم, le terme قيم, le sens de cela, le قيم des cieux et de la terre. أي, c'est-à-dire quel est le sens de قيم, c'est-à-dire par toi. C'est-à-dire, c'est par toi qu'existent les cieux et la terre. Wa anta al-qayyum 'alayhin fa bihi subhanahu wa ta'ala taqumu as-samaa wal-ard wa la ghina lis-samawati wal-ard wa la man fihima 'anillahi tarfat 'ayn wa huwa al-qayyum 'alayha ayda fal-qayyumiyyah. هذا إذن تتضمن الإجادة والإعداد والقيام على الشيء والقيام على الشيء كقوله تعالى الرجال قوامون على النساء أي يقومون على النساء ويتولون أمورهن فالله جل وعلا قيم السماوات والأرض أي به قامت السماوات والأرض وهو الذي يقوم على السماوات والأرض ويتولى أمر السماوات والأرض وقال الله جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وهذا أحد المعنيين والمعنى الثاني أنه يقوم عليهما ويتولاهما هذا هو المعنى الثاني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. Donc regardez ensuite le sens de cela. Le prophète Hassan réitère les louanges. Après que le prophète Hassan dans cette invocation, il dit « Louange à toi, Seigneur, des cieux et de la terre. » Ensuite, le prophète Hassan dit « Louange à toi, celui qui est le qayyum des cieux et de la terre. » Celui qui est le qayyum des cieux et de la terre. Donc c'est-à-dire celui qui a donné existence hein, à ces cieux et à la terre, celui par qui existent donc les cieux et la terre. Wa anta al-qayyum 'alayhin وأنت القيوم عليهم. Et là, vous avez vu que ça fait allusion à Al-Qayyum. Al-Qayyum, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les noms sublimes. Al-Qayyum, c'est beaucoup traduit lorsque vous observez, vous contemplez les versets qu'il y a dans le Coran, où il y a la mention du nom Al-Qayyum. C'est beaucoup expliqué par les savants musulmans que Al-Qayyum, ça serait dans le sens de celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum serait dans le sens, hein, le sens qu'il faut comprendre, qui est expliqué par beaucoup de savants musulmans. Ils disent Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même. Et de ce fait, vous allez retrouver beaucoup de traductions qui s'appuient sur ça, sur cette explication-là. Donc Al-Qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala, est celui qui subsiste par lui-même. C'est celui que personne ni rien ne peut se passer de lui. Alors que lui, subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa ala, lui, se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Il n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Alors que ces créatures, personne ni rien ne pourrait se passer de lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla wa ala est celui qui subsiste par lui-même. Et donc, les cieux et la terre existent par lui, subhanahu wa ta'ala, existent les cieux et la terre. Et donc, personne ne pourrait se passer du Seigneur des mondes, du Créateur. Et cela ne serait-ce même l'instant d'un clin d'œil. Ne serait-ce l'instant d'un clin d'œil, l'individu ne peut pas se passer de son Seigneur. À chaque moment, à chaque instant, le serviteur a besoin de son Seigneur. Et c'est pour cela que les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent ont besoin de ce Créateur. Et les cieux et la terre et tout ce que contiennent ces cieux et cette terre existent justement par lui, subhanahu wa ta'ala. Et par lui, elles existent donc. Et donc, il est celui qui gère cet univers et ce monde. C'est pour cela qu'il dit... L'auteur ici, wa huwa al-qayyim wa alayhi aydan fal-qayyumiyyah huna idhan tatadamman al-ijadata wal-i'dad wal-qiyam 'ala al-shay wal-qiyam 'ala al-shay. C'est pour ça lorsqu'on dit qu'Allah Jalla wa Ala il est le qayyim as-samawati wal-ard, c'est-à-dire maintenant ce qu'il faut comprendre dans le sens que c'est par lui qu'existent les cieux et la terre et que rien ne peut se passer de lui, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil, et qu'Allah Jalla wa Ala est donc le garant et le régisseur de ce monde. Yani yatawalla yani umurahun. Allah Jalla wa Ala est le garant de ce qui se produit, et le garant de la subsistance. Il est le garant de l'existence des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Et il est celui qui gère cet univers. فَاللَّهُ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيْ بِهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَتَوَلَّ أَمْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Pour cela, pour résumer, lorsqu'on dit qu'Allah il est قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, tout simplement, ça, c'est dans le sens que Cheikh nous explique ici, par lui, elles existent. Et que c'est lui qui est garant de la subsistance. C'est lui qui est garant de l'administration et de la gérance. C'est lui le régisseur, subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, lorsque le prophète sallam a dit « Anta qayyimu samawati wal ard », vous avez vu, ça renferme des sens qui sont considérables. Vraiment des sens qui sont considérables, qu'il faut méditer. Et cela, bien sûr, se fait avec la connaissance. À savoir que « al-qayyum », lorsqu'on fait référence à ce nom parmi les noms sublimes d'Allah, Al-Qayyum, celui qu'on a traduit de manière vraiment très, très rapprochée, lorsqu'on dit qu'Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même, subhanahu wa ta'ala, sachez que beaucoup de savants considèrent que Al-Qayyum fait partie du plus grand nom parmi ces noms sublimes. C'est le nom suprême et le grand nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que beaucoup de savants considère que, comme on l'a dit précédemment, Allah Jalla wa Ala nous a révélé et donné la connaissance de 99 parmi ses noms sublimes. On a dit qu'il y en a d'autres. Mais nous, il nous en a été révélé et Allah Jalla wa Ala nous a donné à notre connaissance 99 de ses noms. Et certains savants, par rapport à des textes, par rapport à des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont déduit que parmi ces noms, il y a un nom qui est le nom, en quelque sorte, on pourrait dire, si on peut dire de la sorte, le nom suprême. C'est ce qu'on appelle en arabe, les savants, ils appellent ça la question de Al-Ism al-A'zam. Al-Ism al-A'zam, c'est-à-dire le plus grand nom parmi ces noms. Donc il y a un nom parmi ces noms-là qui serait le plus grand de ces noms. Et c'est pour cela que par rapport à des textes, par rapport à des hadiths, qui confirme qu'il y a l'ism al-A'zam, comme par exemple, il y a des récits où le prophète, il y a un récit où le prophète, ensemble, il a imploré Allah, bi-ism al-A'zam, bi-ism al-A'zam, par son nom le plus grand, par son nom le plus grand. Donc certains savants se sont déduits par rapport à cette invocation, et déduisent aussi dans un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que l'ism al-A'zam, le plus grand des noms, on peut le retrouver dans trois sourates. On peut le retrouver dans Sourate al-Baqarah, wa Sourate Ali Imran, wa Sourate Taha. Donc dans trois des sourates se trouve ce nom-là. Le plus grand des noms, Ism al-A'zam, le nom suprême, si vous voulez, si on peut le traduire de la sorte. Donc le plus grand de ces noms, on peut le trouver dans trois sourates. Dans Sourate al-Baqarah, ou bien Ali Imran, la sourate qui suit, ou bien dans Sourate Taha. Dans ces trois sourates. De ce fait, savants aussi se sont basés sur ce hadith pour dire donc qu'il y a un nom parmi ces noms qui sera le plus grand, qui sera le plus grand de ces noms-là. Et c'est pour cela que ça a engendré deux avis chez les savants. Il y a des savants donc qui considèrent qu'il y a parmi ces 99 noms sublimes et magnifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala un nom qui serait celui qu'on appelle l'ism al-A'zam, l'ism al-A'zam, et d'autres savants ne considèrent pas qu'il y ait cette variation. Ou plutôt d'ordre de préférence. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Donc certains savants ont considéré qu'il n'y avait pas d'ordre de préférence. Et d'autres savants ont affirmé qu'il y a un nom qui serait considéré comme le plus grand nom. Qui serait considéré comme ce qu'on appelle le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ces noms. Et en l'occurrence, donc on a dit qu'il y avait des preuves à cela. Ceux qui considèrent donc qu'il y a un de ces noms qui serait le plus grand nom, mais il se base sur certaines preuves, il se base sur différentes preuves. Parmi ces preuves, on a dit sur le récit où qu'il est dit qu'on peut trouver dans les trois sourates qu'on a mentionnées, le hadith de l'invocation, aussi le hadith de l'invocation que j'ai mentionné précédemment. En l'occurrence, le hadith de l'invocation, c'est un homme qui est rapporté, qui était assis avec le messager d'Allah. Donc il est rapporté dans un récit qu'il y a un homme qui était, alors que les compagnons, ils étaient assis avec le messager d'Allah, donc les compagnons, ils étaient en compagnie du prophète, sallam. Alors un homme s'est levé pour prier. Il s'est levé pour prier à la mosquée, et quand il a fini sa prière, il a fait un dua. Donc il a invoqué. Et lorsqu'il a invoqué, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, sallam, ensuite lui a dit, tu as prié avec le plus grand nom d'Allah. Avec celui qu'Allah, jalla wa ala, répond, c'est-à-dire avec celui avec lequel, quand il est appelé, il répond, et s'il est demandé, il donne. Donc là, c'est pour ça que certains savants se sont basés sur ce récit, pour dire que le prophète, en somme, lorsqu'il lui a dit « tu as prié avec le plus grand nom d'Allah, celui avec lequel, quand il est appelé, il répond, et s'il est demandé, avec qui il donne ». Alors là, certains savants, c'est de ce fait, ils se sont basés sur ça pour dire donc il y a un parmi ces noms-là, sublimes, il y en a un qui serait le Ism al-A'zam, comme on appelle cela. Ism al-A'zam. Ensuite, une fois qu'ils ont déduit donc qu'il y a un nom qui serait le plus grand des noms, ce qu'on appelle Ism al-A'zam, ensuite, alors les savants ont cherché, et pour trouver ce Ism al-A'zam. Et pourquoi je vous ai évoqué cette question? Parce que beaucoup de savants considèrent que l'Ism al-A'zam, le plus grand nom d'Allah, c'est le Hayy al-Qayyum. Et comme on parlait de al-Qayyum, c'est pour cela que je vous ai évoqué cette question-là. Beaucoup de savants considèrent que Al-Qayyum, lorsque vous trouvez Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayy c'est l'un des noms d'Allah qui est le vivant. Donc lorsque vous voyez beaucoup, comme dans l'Ayat Al-Kursi, le verset de Al-Kursi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, est mentionné. Donc le vivant, et Al-Qayyum, qu'on traduit, hein, parfois qu'on peut traduire de manière relative, celui qui subsiste par lui-même. Et bien beaucoup de savants considèrent que le grand nom, le plus grand de ces noms-là, sublime, ça serait Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai mentionné précédemment, on peut le retrouver aussi bien dans, comme le prophète Hassan l'a dit, dans le Baqara, dans Ali Imran, ou bien dans Surat Taha, dans Surat Taha. Et certains savants, lorsqu'ils ont observé Surat Al-Baqara wa Taha, ils ont trouvé les versets. Par exemple, dans Surat Al-Baqara, ils ont trouvé Allahu la ilaha illa, Allahu la ilaha huwa al-hayyul qayyum. Regardez dans Ayat al-Kursi, hein. Dans Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum, vous avez vu? Allah, point d'adorer si ce n'est toi, traduction relative du verset, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Et dans Ali Imran, on a le verset Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et dans Ali Imran aussi, on a ce verset. On a le verset où Allah, point de divinité à part toi, si ce n'est toi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, le vivant, Al-Qayyum. Et on a aussi, dans la sourate Taha, le verset où cela est mentionné, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit, وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ. Dans une traduction relative, hein, et les visages s'humilieront devant Al-Hayy ou Al-Qayyum, devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Et de ce fait, certains, beaucoup de savants considèrent que l'ism al-Azam, c'est Al-Hayyu al-Qayyum. Comme cela est rapporté par l'imam al-Nawawi, comme c'est rapporté aussi par l'auteur lui-même, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, et une grande partie de savants. Et vous retrouvez certains savants qui considèrent que le nom le plus grand d'Allah, c'est Allah. Ism al-Azam, huwa Allah. Ils disent que c'est Allah. Le nom le plus ardam, c'est Allah. Al-Muhim, l'important dans cela, c'est que les savants ensuite ont cherché quel est ce nom. Ils voulaient découvrir ce mystère, quel est le nom d'Allah, Al-Ardam, pour les savants qui considèrent qu'il y a un nom qui sera Al-Ardam. Donc beaucoup de savants considèrent qu'il y a un parmi ces noms qui est Al-Ardam par rapport au texte authentique. Et de ce fait, ensuite, ils ont cherché. Ils ont cherché, beaucoup ont déduit que c'était Al-Hayyu, Al-Qayyum. Lorsqu'Allah dit qu'il est le vivant, et qu'il est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Et une grande partie de savants considèrent que c'est Allah. Et Cheikh Al-Albani, il rapporte, il dit que Al-Hafidh ibn Hajar, lorsqu'il a traité cette question, il a dit qu'Al-Hafidh ibn Hajar, dans son commentaire, hein, il a évoqué tous les avis des savants, Quelle était leur considération concernant Al-Ism al-Ardam? Al-Ism al-Ardam. Et il a rapporté 14 avis. Que vous pouvez retrouver, que mentionne Al-Hafidh, l'érudit Ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire. Donc ça, c'est une question importante qu'ont traité les savants. Et de là, on se rend compte de l'immensité, hein, de la grandeur des noms sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est en ce qui concerne Al-Qayyum. Donc j'ai fait cette portée d'attention vraiment pour qu'on se rende compte de l'importance, hein, et la grandeur de ce nom qui est Al-Qayyum, qu'a utilisé ici Al-Nabi Sassam dans ce dua. Lui, l'auteur, donc, nous a expliqué le sens de la parole du prophète dans l'invocation. Donc, « Lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ard » Ensuite, après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ فِيهِنَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ensuite, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit à toi la louange, tu es certes le qayyim des cieux et de la terre. Donc on a expliqué le terme maintenant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et tu es la lumière. Tu es la lumière des cieux et de la terre. Quel est le sens de cela? Tu es la lumière des cieux et de la terre. أي بك استنارت السماوات والأرض فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في السماوات والأرض نورا حيث لم يكن فيها نور أو أنه هو نفسه النور وقال إنه نور السماوات والأرض إن لم يكن في جوف السماء أو في جوف الأرض كقوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا ومن المعلوم أن القمر لا ينير السماوات وإنما ينير الأرض. Donc dans le sens que par toi s'illuminent les cieux et la terre. Par toi s'illuminent les cieux et la terre. بِكَسْتَنَارَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهِ, si ce n'était pas Allah, جَلَّ وَعَلَى, qui avait mis cette lumière pour les cieux et la terre, alors elle ne serait point illuminée. حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نُورٌ أَوْ أَنَّهُ هُوَ نَفْسُ النُّورِ وَقَالَ إِنَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et donc, du fait que, à la base, les cieux et la terre n'avaient pas cette lumière. Donc, si ce n'était pas Allah, Jalla wa Ala, qui avait illuminé les cieux et la terre, alors il n'y aurait pas cette lumière. Donc, regardez, c'est pertinent lorsque le prophète, sallam, très important, lorsqu'il il invoque Allah, Jalla wa Ala, de cette manière en disant, tu es la lumière des cieux et de la terre, laquelle hamd, à toi la louange, nour, il dit nourun, nour samawat wal ard, lumière des cieux et de la terre. Dans le sens que par toi s'est illuminé, par toi est illuminé les cieux et la terre. فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نُورًا. Et si ce n'était pas Allah جَلَّ وَعَلَى qui avait illuminé les cieux et la terre, alors elle ne serait point illuminée. C'est pour cela qu'Allah جَلَّ وَعَلَى est la lumière des cieux et de la terre. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَوْفِ السَّمَاءِ أَوْ فِي جَوْفِ الْأَرْضِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنْ نُورًا. Ou bien, Cheikh Ibn Uthaymeen, donc, lorsqu'il explique ici, donc, Allah Jalla wa Ala est la lumière des cieux et de la terre, par lui, donc, est illuminé les cieux et la terre. Et on peut dire aussi, il est la lumière des cieux et de la terre, même si Allah Jalla wa Ala n'est pas فِي جَوْفِ السَّمَاءِ وَفِي جَوْفِ الْأَرْضِ, comme on dit. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنْ نُورًا. Et il va donner l'exemple que, par exemple, la lune n'est pas sur terre, par exemple, mais dans un verset, Allah dit, وَجَعَلَ الْقَمَرَ, Allah fait de la lune la lumière. فِيهِنْ, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنْ نُورًا, a fait de la lune la lumière pour la terre, la lumière pour la terre. Or, وَمِنَ الْمَعْلُومَ أَنَّ الْقَمَرَ لَا يُنِيرِ السَّمَاوَاتِ وَإِنَّمَا يُنِيرِ الأرض. Alors qu'on sait que donc la lune illumine la terre, en quelque sorte. Elle illumine la terre. Voilà yunir as-samawat, alors qu'elle n'est pas sur terre. Ensuite, le prophète sallam dit dans l'invocation, qawluka al-haq wa wa'duka al-haq wa liqa'uka haq wal jannatu haqqun wan naru haq was-sa'atu haq. Donc le prophète, sallam, ensuite, il va mentionner six choses. Il va mentionner six choses en disant, et ta parole est vérité, et ta promesse est vérité, et ta rencontre est vérité, et le paradis est vérité, et l'enfer est vérité, et l'heure est vérité. Donc, yumkin an yaqul al-qa'il. Donc, vous avez pu constater que le prophète, sallam, a mentionné six choses. Pour cela, on va parler de ces six choses. Wa hadhihi al-ashya sitta kana min al-mumkin an yukhbira anha bi kalimatin wahida. فيقول حق ولكن نقول مقام الثناء ومقام البسط ولكل مقام مقال. Et là, l'auteur va nous expliquer une précision. Il va dire, regardez, donc le prophète sallam, lorsqu'il mentionne ces six choses, à chaque fois le prophète sallam a réitéré et répété le terme vérité. Regardez, قولك الحق, ta parole est vérité. وعدك الحق, ta promesse est vérité. Ensuite, liqa'uka haqq, ton rencontre est vérité. Jusqu'à la fin. Donc le prophète va mentionner les six choses. Il va mentionner la parole, la promesse, la rencontre, le paradis, l'enfer et l'heure. En disant qu'elles sont vérités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu les mentionner les six d'un coup et à la fin dire que toutes celles-ci sont vérités. Donc yumkin an yaqul al-qa'il. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu les réunir et à la fin dire qu'elles sont toutes vérités. Mais là, le prophète Ansem a réitéré à chaque fois. Donc lorsqu'on observe l'invocation, donc les savants nous disent, regardez, le prophète a réitéré. Aussi bien lorsqu'il a parlé de la parole, il a dit, wa qawluk haq, wa qawluk al-haq, et ta parole est vérité. Ensuite, lorsqu'il va mentionner la promesse, wa wa'duk al-haq, Ta promesse est vérité. Lorsqu'il va mentionner la rencontre, il va réitérer et vérité. Pourquoi? Parce que dans cette invocation, les savants, regardez, ils expliquent la raison pour laquelle le prophète a réitéré à chaque fois le terme vérité pour chacun de ces 6 termes employés. Pourquoi? Parce que la raison est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est dans un contexte, en circonstance d'éloge. Donc il fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on a parlé au début de l'allocution, lorsqu'on dit en arabe Athana. Athana, donc l'éloge. Donc le prophète, même dans cette invocation, il fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vante les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, les savants expliquent que lorsqu'on est dans un tel contexte, et dans un contexte pareil, un contexte d'éloge, alors il faut, ou plutôt il est bon de s'approfondir. Donc dans un contexte en circonstance d'éloge, dans de telles circonstances, il est bon de s'approfondir. Et plus donc on s'approfondit dans les éloges, et plus l'éloge est pertinente, et plus elle a de la valeur, et plus cet éloge est grande. Donc regardez, il dit c'est maqam uthana. En arabe, il dit bien fanaqul maqam uthana i maqam ulbast. Les kulli maqam in maqal. C'est pour cela qu'on avait dit que pour chaque circonstance, il y a sa parole qui convient. Ça, c'est une règle en arabe. En arabe, cette règle s'appelle, on la prononce en disant les kulli maqam in maqal. Les kulli maqam in maqal. Chaque circonstance a sa parole qui convient. Traduction relative. Et là, on est dans des circonstances d'éloge. Et bien, lorsqu'on complimente, lorsqu'on fait les éloges, alors il est bon de s'approfondir. Et plus on s'approfondit, plus ça donne de la valeur et de la grandeur à ces éloges. C'est pour ça que c'est très pertinent, regardez l'observation précise et minutieuse des savants, lorsqu'il dit, pour cela, l'auteur nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a bien réitéré. Il dit, ta parole est vérité, et ta promesse est vérité, et ta rencontre, jusqu'à la fin, il réitère tout cela est vérité. En ce qui concerne maintenant le premier de ces 6, on a dit donc le prophète ensemble a mentionné 6 choses. Premier de ces 6, ou la première chose de ces 6 choses, قولك الحق, ta parole est donc vérité. الحق من وجهين. Et l'auteur nous explique, sa parole est vérité selon 2 aspects. Faisant référence à 2 choses. لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِنَّمَا أَمْرٌ وَإِمَّا خَبَرٌ إِمَّا أَمْرٌ وَإِمَّا خَبَرٌ. Du fait que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, soit c'est un ordre, soit c'est une information. Donc comprenez bien cela. Gardez bien cela à l'esprit. Regardez ce que l'auteur nous explique. Que la parole d'Allah, donc ici, soit elle est un commandement, un ordre, un impératif, soit un khabar, une information. فَإِنْ شِئِتَ فَقُلْ إِمَّا طَلَبٌ وَإِمَّا خَبَرٌ. Et si tu veux, il dit, tu pourrais t'exprimer de cette manière, soit c'est une demande, soit c'est une information. Soit c'est une demande, soit c'est une information. طيب. فَإِنْ كَانَ طَلَبًا. Donc si c'est un ordre, un impératif, une demande, فَهُوَ عَدْلٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَصَالِحٍ. Donc si c'est un impératif ou un ordre ou bien une demande, alors c'est justice. Elle comprend al-masalih, les intérêts. Donc je vous traduis d'une manière littérale, ensuite on expliquera. وَإِنْ كَانَ خَبَرًا فَهُوَ صِدْقٌ. Par contre, si c'est un khabar, alors c'est une vérité. C'est une vérité. Il y a la véracité de l'information. C'est pour ça dans la parole d'Allah, wa alayhi qawluhu ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Comme Allah nous dit dans le verset 115 dans sourate Al-An'am, la sourate des bestiaux, où Allah dit, et sa parole, la parole de ton Seigneur s'est parachevée, sidqan wa adlan. Et elle a été décrite comme étant véridique et juste. Véridique et juste. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique et elle est juste. Si c'est un ordre, cet ordre est juste. Pourquoi? Parce qu'il comprend l'intérêt pour les hommes. Lorsque Allah nous ordonne de faire des choses, ça va dans notre intérêt. C'est pour ça que lorsqu'on observe les prescriptions et lorsqu'on s'abstient des interdictions, lorsqu'on fait ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a ordonné, eh ben tout cela, ça va dans notre intérêt. Tout cela, c'est pour nous. فَمَنْ يَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِي. Ce que celui qui est sur la droiture, que celui qui est guidé, alors cela est pour lui. Regardez, Allah dans un verset nous dit فَمَنْ يَهْتَدَى, que celui qui est sur le droit chemin, qui est guidé, فَلِنَفْسِي, cela est pour lui. C'est dans son intérêt. Donc la parole d'Allah, selon ces deux considérations, soit si c'est un impératif, un ordre, un commandement, ou soit une information, tout cela est justice et vérité. Et justice et vérité. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et dans la prochaine allocution, Inch'Allah, si Allah nous le permet, on continuera, Inch'Allah, sur l'explication de cette invocation. Et sur la, on terminera, Inch'Allah, l'étude de ce chapitre. Et si on aura le temps, Inch'Allah, on commencera un nouveau chapitre. Wallahu a'lam. Wala ilmu indallah. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك